dessin n'est pas un très bel édifice, bien vaste, solide et parfait, mais il est plutôt de sortir en plein air. Il y a les plantes, l'air et les oiseaux, il y a la lumière et ses roseaux, il y a l'eau, il y a dans l'eau, dans l'air et sur la terre toutes sortes de choses et d'animaux. Impossible de les nommer toutes, il y en a trop. Mais chacun sait qu'il y en a tant et plus, que chacun est différent, unique. On n'a jamais vu deux fois le même rayon tomber de la même façon dans la même eau de la fontaine. Chacun est unique et seul. Moi, j'en prends un ici, j'en prends un là, et je les mets ensemble pour qu'ils se tiennent compagnie. Ce n'est pas la fin de la nuit. Ce n'est pas la fin du monde, c'est moi.